بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous allons continuer à travers ce cours l'étude des cinq prochaines causes évoquées par l'imam Ibn Qayyim rahimahullah dans son chapitre intitulé « Les raisons pour se prémunir des désobéissances ». Donc il dit rahimahullah la sixième cause qui va nous aider à ne pas tomber dans les désobéissances, à nous prémunir des désobéissances. La sixième est le fait de prendre le dessus sur ses passions et sur le diable. Car le fait de dompter ses passions et le diable et de prendre le dessus sur eux procure au serviteur une douceur pour la foi et une joie pour le cœur, qui est plus grande que le fait de prendre le dessus sur ses ennemis parmi les hommes. Et quant à ce qui concerne le résultat et la conséquence de cela, elle est comparable au fait de boire un remède, un médicament utile qui débarrassera le corps de la maladie et qui lui rendra sa bonne santé. Donc, l'âme et le diable, comme évoque l'imam Ibn Qayyim, sont sources de mal et de méfaits. Donc, si le serviteur s'écarte de la désobéissance, alors il aura dompté son âme, soumis le diable et goûté à la douceur de la domination par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique: Certes le croyant affaiblit ses diables. Certes le croyant affaiblit ses diables comme celui qui affaiblit son chameau ou sa monture lors d'un voyage. C'est-à-dire qu'il les affaiblit comme la monture est affaiblie après un long voyage, et ceci en délaissant les passions et en se dirigeant vers les obéissances et les bonnes actions. Et ce qui prouve que l'âme et le shaitan sont sources de méfaits et de mal, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de ces deux dernières, chaque matin, chaque soir et au moment de s'endormir. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, en s'entretenant avec Abu Bakr, donc ici, il parle à Abu Bakr et il lui dit, dit Abu Bakr, dit ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et de l'apparent, Seigneur et possesseur de toutes choses, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme, le mal de Shaitan, de Satan, et son polythéisme. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr radiallahu anhu, dis cette invocation le matin, le soir et quand tu t'apprêtes à dormir. Donc si le serviteur prend en considération cette chose en délaissant les désobéissances pour dompter son âme qui lui insuffle le mal, pour soumettre son ennemi à Shaitan et pour prendre le dessus avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura réussi dans cette vie et dans l'au-delà. Ensuite, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah continue et dit la septième cause, la compensation, la contrepartie, la rétribution. La compensation, c'est-à-dire ce qu'Allah a promis comme compensation, comme contrepartie pour celui qui délaisse les interdits, en espérant bien sûr sa face, et interdit à sa personne de suivre les passions. Et qu'il fasse la comparaison, donc ce serviteur, qu'il fasse la comparaison entre la compensation, la contrepartie d'Allah, et ce que son âme le pousse à faire comme interdit. Quelles choses entre ces deux dernières sont le mieux pour lui? Et qu'est-ce qu'il préfère délaisser? Est-ce qu'il préfère délaisser la contrepartie, la compensation, la rétribution qu'Allah va lui donner, ou il préfère délaisser ses péchés? Donc si tu délaisses au serviteur d'Allah la désobéissance, par peur d'Allah et par souhait et espérance de sa satisfaction, alors Allah te donnera en échange dans cette vie une douceur dans le cœur, un bonheur dans l'âme et une bénédiction dans ta vie. Donc ça c'est les récompenses de cette vie. Allah dit dans le sens du verset, quiconque, mâle ou femelle, fait de bonnes actions tout en étant croyant, nous les ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Donc ça, c'est la récompense de cette vie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera dans l'au-delà. Par quoi? Par le paradis et par ses délices éternels. Car tu auras délaissé les désobéissances. Tu auras délaissé les désobéissances, naam, car tu craindras, tu auras peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras peur de son châtiment. Allah dit dans le sens du verset, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith authentique, certes, tu ne délaisseras pas une chose par crainte d'Allah sans qu'Allah te donne mieux que ce que tu as délaissé. Et les exemples de compensation, de contrepartie dans les textes religieux sont nombreux. Pour donner un exemple, celui qui se prive de boire des boissons alcoolisées, du vin dans cette vie d'ici-bas, le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donnera en échange une rivière de vin au paradis. Alors que celui qui aura consommé des boissons alcoolisées dans cette vie, sans se repentir avant la mort, Allah lui interdira cette boisson dans l'au-delà. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui boit du vin dans cette vie, puis ne se repent pas de ce péché avant la mort, il en sera privé dans l'au-delà. Donc il sera privé de cette boisson-là. Il sera privé de cette boisson. Puis l'imam Ibn Qayyim rahimahullah continue et dit la huitième. Donc la huitième cause pour nous aider à nous prémunir et à tomber dans les désobéissances. Il évoque la proximité. La proximité d'Allah, qui est de deux sortes, la proximité générale et la proximité particulière. La proximité générale, qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, nous voit et que rien ne peut lui être caché. Donc cette proximité-là, qui est la proximité générale, a été évoquée précédemment. Mais ce qui est voulu ici, c'est la proximité particulière. Cette proximité qui est évoquée dans de nombreux versets. Allah dit, dans le sens du verset, certes Allah est avec les patients. Dans un autre verset, il dit, dans le sens, certes Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Dans un autre verset, il dit, et ceux qui sont bienfaisants, ou plutôt, et certes Allah est avec les bienfaisants. Et certes Allah est avec les bienfaisants. Donc cette proximité particulière est mieux pour lui et plus utile dans sa vie d'ici-bas et dans son au-delà que le fait de s'adonner à ses passions. Comment le serviteur peut-il favoriser un plaisir qui est interdit et qui lui engendrera des soucis, des regrets dans cette courte période qui est la vie, à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la proximité particulière d'Allah. Ceci est comparable au rêve d'un dormeur et à l'ombre qui va disparaître. Donc ce qui est voulu de la proximité particulière d'Allah, cette proximité dont Allah a privilégié ses serviteurs pieux, bienfaisants et patients, est celle qui engendre la protection, la victoire et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si l'âme du serviteur l'appelle à la désobéissance, qu'il patiente pour ne pas tomber dans cette désobéissance et combat ses passions. Il réussira, naam, en gagnant cette proximité particulière. Et parmi les preuves de cette proximité particulière, on peut évoquer l'histoire de ces trois hommes qui ont été contraints de se réfugier dans une grotte. Alors un rocher est tombé du haut de la montagne et a bloqué l'entrée de la grotte. Ils ont dit, à ce moment-là, nul ne vous sauvera de ce rocher si ce n'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant vos bonnes actions. Et parmi la bonne action que l'un d'entre eux a évoquée, il y a ô Allah. Donc ça, c'est l'invocation d'un des hommes. Ô Allah, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout. J'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout. Je lui ai fait des propositions malhonnêtes, mais elle s'y est toujours refusée. Jusqu'à ce qu'une année de disette la poussa à s'adresser à moi. Je lui donnai alors 120 dinars à condition qu'elle se donne à moi. Et c'est ce qu'elle a accepté. Donc c'est ce qu'elle a accepté. Une fois que je me suis installé entre ses deux jambes, elle me dit « Crains Allah et ne romps le cachet, c'est-à-dire l'hymen, que dans la légitimité du mariage. » Je la laissa alors, bien qu'elle fût pour moi l'être que j'aimais le plus, et je lui ai quand même abandonné l'or que je lui ai donné. Ô Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Alors le rocher se déplaça. Non. Donc cet homme a délaissé ce péché, qui est la fornication, alors qu'il était à deux doigts de le faire, en vue de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a délaissé pourquoi? En espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donc, naam, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Allah l'a assisté. Il a eu droit à cette proximité particulière. Il l'a assisté comment? En le sauvant de ce rocher et en le libérant. Puis Ibn Qayyim rahimahullah dit la neuvième, donc la neuvième cause qui va nous aider à nous prémunir de ces péchés. La neuvième, le fait qu'Allah peut te surprendre dans une désobéissance par la mort. Donc Allah peut t'envoyer l'ange de la mort pendant que tu fais une désobéissance. Alors il sera privé, donc cet homme-là, ce serviteur, il sera privé des délices de ce monde et des délices de l'au-delà. Quel regret amer et difficile résulte de cela. Quel regret amer et difficile résulte de cela. Et nul ne connaît l'amertume de ce regret, sauf celui qui l'a goûté. Il a été rapporté dans les anciens livres qui ont précédé le Coran, cette parole. Ô celui qui ne se sent pas en sécurité, ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil, et qui ne peut profiter de la joie d'un jour entier. Prends garde. Donc le serviteur ignore quand la mort viendra à lui, et il se peut qu'il pense, durant la période de la force de la jeunesse, vivre plusieurs années, et à ce moment-là, la mort peut le surprendre. Et c'est pour cela que le compagnon Ibn Omar, radiallahu anhu, disait « Quand tu arrives au soir, n'attends pas d'être au matin. Et quand tu as atteint le matin, n'attends pas d'être au soir. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rappelait souvent au compagnon la venue proche et la proximité de cette mort. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Multipliez le rappel du destructeur des délices, qui est la mort. » Et car ce rappel évite aux serviteurs de tomber dans les désobéissances. Puis Ibn Qayyim rahimahullah continue pour finir et il dit la dixième cause. Donc c'est la dernière cause qu'on va évoquer. La dixième cause est le fait que les désobéissances engendrent les épreuves. Car en vérité, les épreuves ne sont engendrées que par les péchés. Quant au fait d'être épargné d'épreuves, ceci est une conséquence des bonnes actions, des obéissances faites par le serviteur. Les gens éprouvés sont ceux qui font des désobéissances, et même si leur corps, ou même si leur corps est sain de toute maladie. Et les gens qui sont épargnés d'épreuves sont ceux qui obéissent à leur Seigneur, même si leur corps est en bonne santé. Une partie des gens de science ont dit, concernant la parole rapportée, quand vous voyez les gens éprouvés, demandez à Allah de vous épargner, car ces gens sont ceux qui sont éprouvés par les désobéissances d'Allah, le détournement et l'insouciance, et cela même si les épreuves regroupent l'épreuve qui touche le corps et les religions. Et Allah est le plus savant. Donc les péchés sont les plus grandes et les plus dangereuses épreuves qui peuvent toucher la personne. Et le fait d'être saint et épargné, ceci se fait par l'obéissance à Allah et par l'éloignement des désobéissances. Et c'est pour cela que l'une des plus grandes demandes faites à Allah, et la meilleure, l'une des meilleures, est la demande de la préservation, qu'Allah nous préserve. Et à cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: demandez à Allah le pardon et la préservation, car nulle chose meilleure est donnée à une personne après la certitude que la préservation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoignait et incitait ses compagnons et les gens de sa famille à multiplier cette demande-là, cette invocation-là. Il disait à son oncle: ô mon oncle, multiplie les invocations ou les demandes de préservation. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عتقاء النيران في هذا الشهر المبارك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.